الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur du monde. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions soient sincères par recherche de son agrément. Incha'Allah, naskuru shay'an min nasa'ihi al-shaykh rahimahullah. Nous allons citer quelques conseils du shaykh, que Dieu lui fasse miséricorde. Qala radiyallahu anhu, husnul khuluqi ma'nahu bazlul ma'rufi lil-nasi. حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس أي الإحسان إلى الناس وكف الأذى عن الناس. كف الأذى عن الناس يعني الإنسان يكف أذاه عن الناس وتحمل أذى الغير يعني ولو الغير أذاه يتحمل. L'excellence de comportement, le cheikh a expliqué qu'est-ce que ça veut dire l'excellence de comportement. L'excellence de comportement signifie prodiguer le bien aux gens, c'est-à-dire agir avec bienfaisance envers les gens. Ça, c'est la première chose, faire le bien autour de soi. Deuxièmement, cesser de nuire aux gens, ne pas faire du mal aux autres. Et troisièmement, supporter le mal des autres, supporter la nuisance des gens. فَمَنْ تَمَسَّكَ بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. Celui qui s'attache à ces recommandations, il fait partie de ceux qui ont un très haut degré selon le jugement de Allah. لو كان لا يصوم إلا رمضان ولا يصلي إلا الصلوات الخمسة فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام ويصوم صياما متتابعا هذا وهذا درجتهما سواء هذا بحسن الخلق وذاك بكثرة الصلاة والصيام. Donc celui qui a l'excellence de comportement, même s'il ne jeûne que le mois de Ramadan, il ne fait pas d'autres jeûnes, même s'il ne fait que les cinq prières obligatoires, il ne fait pas d'autres prières surérogatoires, il aura atteint, par son excellence de comportement, un degré semblable à celui qui veille la nuit pour faire des prières surérogatoires pendant que les gens sont endormis. Et il jeûne des jours successifs pour l'agrément de Dieu, des jeûnes surérogatoires. L'un et l'autre ont des degrés équivalents. Le premier, grâce à son excellence de comportement, et le deuxième, parce qu'il fait beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Wa qala radiyallahu anhu, akmalu al-mu'minina darajatan 'inda Allah man kana khuluquhu hasanan. Et il a dit que Allah l'agré, le croyant qui a le plus haut degré, c'est celui qui a l'excellent comportement. Comme on a dit, des trois choses d'excellent comportement, c'est de faire le bien aux autres, c'est de cesser de nuire aux autres et supporter la nuisance des autres. Wa qala radiyallahu anhu, husnul khuluqi ma'a al-imani hadhihi darajatun 'aliyah. L'excellence de comportement avec la foi, avec l'islam, fait parvenir à un très haut degré. من الخصال القبيحة أن يظن المسلم بكلمة خرجت من فم أخيه المسلم سوءا. يعني يفسرها يعطيها معنى سوء وهو يجد لها في الخير محملا، يعني يمكن له أن يفسرها بالخير لكن هو يفهم منها السوء. également parmi les mauvais acteurs de la personne, c'est que le musulman pense d'une parole qui est sortie de son frère, il pense du mal. Il pense du mal d'une parole qui est sortie de son frère, alors qu'il peut l'interpréter en bien. Une parole qu'il peut interpréter en bien, lui, il l'explique en mal. C'est-à-dire, il dit, pourquoi il m'a dit ça ? Il l'explique d'une mauvaise manière, alors que peut-être que lui, il lui a dit cette parole, mais il pourrait l'expliquer, lui donner un sens qui est bon. وقال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Et d'après Abu Huraira, que Allah l'agré, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie, c'est une preuve de bon attachement à l'islam de la part de la personne que de ne pas rentrer dans les sujets qui ne le concernent pas. C'est une preuve de bon attachement à l'islam que de ne pas aborder des sujets qui ne le concernent pas, rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. من علامة قوة الرجل في دينه أن يترك ما لا فائدة فيه من كلام وغير ذلك. Donc c'est une preuve d'un fort attachement à l'islam de la part de la personne de ne pas parler des sujets qui ne comportent pas d'intérêt. De ne pas parler des sujets qui ne comportent pas d'intérêt. روى ابن حبان أن في صحف إبراهيم عليه السلام على المرء العاقل أن لا يشتغل إلا بما يعنيه على المرء العاقل أن لا يشتغل إلا بما يعنيه. ابن حبان a rapporté que dans les livrets qui ont été révélés à Ibrahim عليه السلام, une des paroles qui lui ont été révélées, c'est que la personne qui est censée, il ne convient pas qu'elle s'engage dans les sujets qui ne la regardent pas. Les choses qui ne la concernent pas, elle ne rentre pas dedans. وقال رضي الله عنه طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. Et il a dit que Allah l'agré, bonheur à celui qui a été occupé par ses propres défauts et ne s'est pas occupé des défauts des autres. Il était occupé par se corriger lui-même, corriger ses défauts, au lieu de se mettre à critiquer les gens pour leurs défauts à eux. Al-mu'minu yuhadhibu nafsahu qabla an yashtaghila bit-tanqibi an 'uyubi ghayrihi. Le croyant, il convient qu'il améliore son propre état avant de se mettre à chercher les défauts des gens. وقال رضي الله عنه كونوا عباد الله إخوانا متناصحين كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et il a dit que Allah l'agré, soyez esclaves de Dieu, des frères qui se donnent le conseil les uns les autres, tout comme le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. وَلْيَتَفَقَّدْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا et demandez après vous les uns les autres. C'est-à-dire, si quelqu'un s'est absenté, tu demandes après lui, demandez après vous les uns les autres. بِهَذَا تَقْوَى الدَّعْوَةُ وَبِهَذَا يَقْوَى تَآلُفُ الْقُلُوبِ. C'est ainsi que se raffermissent les cœurs. C'est ainsi que les croyants deviennent forts et qu'ils peuvent ainsi renforcer l'appel à l'islam. وقال إياكم أن تنسوا تقليل الكلام وترك الغضب. إياكم أن تنسوا تقليل الكلام وترك الغضب. Et il a dit également, surtout n'oubliez pas de diminuer les paroles et de délaisser la colère. N'oubliez pas de diminuer les paroles, ne parlez pas beaucoup et de diminuer et de délaisser la colère. قال آفات كثيرة تتبع كثرة الكلام. آفات كثيرة تتبع كثرة الكلام. Il a dit, il y a beaucoup de dégâts qui viennent à cause du fait de trop parler. Il y a beaucoup de dégâts à cause du trop parler. إذا ترك الإنسان ما لا يعنيه يعينه هذا على تقوى الله. إذا ترك الإنسان ما لا يعنيه يعينه هذا على تقوى الله. Si la personne délaisse ce qui ne la concerne pas, cela va l'aider à faire preuve de piété à l'égard de Allah. Lorsque la personne délaisse ce qui ne la regarde pas, ce qui ne comporte pas d'intérêt du point de vue religieux, cela va l'aider à faire preuve de piété à l'égard de Allah. Wa qala radiyallahu anhu, at-tama'u bil mali huwa asasul kharab. At-tama'u bil mali huwa asasul kharab. Et il a dit que Allah l'agré, la cupidité, le fait de chercher à amasser encore et encore plus d'argent, ça c'est ce qui mène fondamentalement à la perte. C'est ce qui mène les gens à leur perte. قال ولا تحسسوا التحسس هو التفتيش عن عيوب الناس بالعين. Et il a dit, ne recherchez pas les défauts des gens. Pas en essayant de regarder et de trouver qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'elle a fait, et chercher les défauts des gens. N'adoptez pas cette posture de chercher toujours les défauts des autres. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان ما إن تجمل الخلائق بمثلهما حسن الخلق وطول الصمت. رواه عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي الدنيا القرشي في كتاب الصمت. Et il a dit que Allah l'agré, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie, il y a deux caractères qui sont des parures qui embellissent les gens. Quels sont ces deux caractères? C'est l'excellence de comportement, husnul khuluq, et le long silence, tulus samt. Cela a été rapporté par Abdullah, fils de Muhammad, Abu Bakr, fils de Abu Dunya al-Qurashi, dans son livre As-Samt, le silence. حسن الخلق المذكور في هذا الحديث كما رأينا عبارة عن ثلاثة أمور. L'excellence de comportement qui est mentionnée dans ce hadith, comme nous venons de le voir, ce sont trois choses. كف الأذى على الناس, arrêter de nuire aux gens. تحمل أذى الناس, supporter la nuisance des gens. وأن يعمل المعروف مع الذي يعرف له إحسانه ومع الذي لا يعرف له. Et de faire le bien avec celui qui est reconnaissant, qui reconnaît le bien qu'il lui fait, et avec celui qui n'est pas reconnaissant. ومن نال حسن الخلق فقد نال مقاما عاليا. Et celui qui atteint ce degré d'excellence de comportement, il aura atteint un très haut degré. فقد يبلغ الرجل بحسن خلقه درجة القائم الصائم أي الذي لا يترك القيام في جوف الليل ولا يترك صيام النفل. Et il se peut que quelqu'un, grâce à l'excellence de comportement, atteigne le degré de celui qui veille en prière et qui jeûne des jeûnes surérogatoires, c'est-à-dire celui qui n'arrête pas, qui jeûne tout le temps les jours en jeûne surérogatoire et qui veille toutes les nuits en prière surérogatoire. وروى البيهقي في كتاب الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Et Al-Bayhaqi a rapporté dans le livre Al-Adab, c'est-à-dire les règles de comportement, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Je suis garant d'une résidence en bordure du paradis », c'est-à-dire à la limite du paradis, pour celui qui délaisse le débat inutile, même s'il a raison. Al-Mira huwa alladhi يعني يناقش في أمر ما فيه فائدة شرعية ليس هناك فيه إحقاق حق أو إبتال باطل فقط وناقش أنا فعلت لا أنت فعلت أنا فعلت لا أنت فعلت يعني النقاش الذي يتركه ولو كان محقا الرسول يضمن له بيتا في ربض الجنة. Donc le débat inutile, c'est le débat qui ne comporte pas d'intérêt religieux. Hein, comme il lui dit, c'est toi qui as fait. Il lui dit, non, c'est toi qui as fait. C'est toi qui as fait. Non, c'est toi qui as fait. Yani, ils se discutent et il n'y a pas d'intérêt religieux. Celui qui délaisse cela, même s'il a raison, même s'il n'a pas tort, il arrête. Il ne lui dit pas, oui, tu as raison. Parce que là, il ne faut pas changer la réalité. Il ne lui dit pas, alors que m'andouche l'haq. Non. Mais il saute, il coupe court. Il dit, bon, j'arrête là. Parce qu'il ne faut pas aussi dire des paroles qui contredisent la religion. Si l'autre il n'a pas raison, il ne dit pas, toi tu as raison. Faites attention. Donc mais il dit, je ne veux plus discuter de ça avec toi. Il délaisse cela. Même s'il a raison, le prophète lui garantit une résidence en bordure du paradis. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. Et le prophète garantit une résidence au centre du paradis pour celui qui délaisse le mensonge, même si c'est par plaisanterie. Il y a des gens que Dieu nous préserve. Il dit un mensonge, et après il dit, je rigole. Il ment. Il dit une parole qui n'est pas vraie. Après il dit, je rigole. Celui qui délaisse le mensonge, même par plaisanterie, pour l'agrément de Dieu, le prophète lui garantit une résidence au centre du paradis. Attention, si quelqu'un dit un mensonge, le mensonge peut être un péché, peut être de la mécréance. Donc que la personne fasse attention. Qu'elle ne dit pas de paroles qui sont fausses. Tu peux rigoler sans mentir. Tu peux plaisanter sans mentir. Mais il ne faut pas mentir. Le mensonge, قال عليه الصلاة والسلام لا يصلح الكذب في جد ولا في هزي. Le mensonge n'est pas bon. Ni en étant sérieux, ni en plaisantant. Les anges, ils inscrivent. Ce n'est pas lorsque la personne dit, moi je plaisante, alors les anges, ils n'inscrivent pas. Non, les anges, ils inscrivent toujours les paroles que l'on dit. Donc, il faut faire attention. Même par plaisanterie, il ne faut pas mentir. Combien de gens sont sortis de l'islam par des paroles qu'ils ont dites en plaisantant? وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. Et le prophète est garant d'une résidence tout en haut du paradis pour celui qui fait preuve d'excellence de comportement. Vous voyez? Donc, délaisser le débat inutile, ne pas mentir même en plaisantant et faire preuve d'excellence de comportement. قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كافل وضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Sa parole صلى الله عليه وسلم وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. Cela veut dire que le messager عليه الصلاة والسلام est garanti à celui qui fait preuve d'excellence de comportement qu'il aura une résidence tout en haut du paradis. وَحُسْنُ الْخُلُقِ هُوَ أَنْ يُحْسِنَ إِلَى النَّاسِ. L'excellence de comportement, c'est qu'il agit en bien envers les gens. فَيَبْذُلَ مَعْرُوفَهُ مَعَ النَّاسِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ لَهُ مَعْرُوفَهُ وَالَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ لَهُ. Donc de sorte que quand il agit en bien, il va diffuser le bien à tout le monde autour de lui. Aussi bien ceux qui sont reconnaissants, qui reconnaissent le bien qu'il leur fait, tout comme avec ceux qui sont ingrats, qui ne le reconnaissent pas le bien qu'il leur fait. لَا يَجْعَلُ مَعْرُوفَهُ خَاصًا بِالَّذِينَ يُعَامِلُونَهُ بِالْمِثْلِ. il ne fait pas en sorte que le bien qu'il fait, il est spécifique uniquement à ceux qui sont reconnaissants. فَيَعُمُّ بِخَيْرِهِ مَنْ يَعْرِفُ لَهُ وَمَنْ لَا يَعْرِفُ. De sorte qu'il va propager le bien autour de lui envers celui qui est reconnaissant, tout comme envers celui qui n'est pas reconnaissant. لِأَنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ يَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُمُورِ. Parce que l'excellence de comportement comporte trois choses. أَنْ يَبْذُلَ مَعْرُوفَهُ أَيْ إِحْسَانَهُ لِمَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ بِالْمِثْلِ وَمَنْ لَا يَعْمَلُ مَعَهُ بِالْمِثْلِ. C'est-à-dire de faire le bien avec celui qui agit en bien avec lui, tout comme avec celui qui n'agit pas en bien avec lui. هذا الذي له هذا الفضل عند الله أن يعطيه الله بيتا في أعلى الجنة. C'est lui à qui Allah accorde ce haut degré, à savoir qu'il lui donne une résidence tout en haut du paradis. والأمر الثاني أن يتحمل أذى الناس أي يصبر على أذاهم. Le deuxième point, c'est que il supporte la nuisance des gens. C'est-à-dire, il supporte le mal que les gens lui font. والأمر الثالث هو أن يكف أذاه عن الناس ولا يؤذيهم. Et la troisième chose, c'est que il arrête de nuire aux gens. Il ne fait pas de mal aux gens. وهذه الخصال كلها كانت موجودة في أنبياء الله تبارك وتعالى. الذين كانوا قدوة للناس. Ces trois caractères étaient réunis chez les prophètes de Dieu, ceux qui sont des modèles pour les gens. فنسأل الله تعالى حسن الاقتداء بهم. Nous demandons à Allah qui nous accorde de bien suivre les prophètes. وقال رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه وأوصيكم بالحلم والعفو. Et il a dit qu'en Allah l'agré, je vous recommande d'être indulgent. Je vous recommande d'excuser aux autres. وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه. وأن يعامل أحدكم أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه من الصفح والعفو ومقابلة الإساءة بالإحسان. Le Cheikh a dit, je recommande à chacun d'entre vous d'agir avec son frère, c'est-à-dire son frère en islam, de la même manière avec laquelle il espère que son frère agisse avec lui. Je vous recommande à chacun d'agir avec son frère en islam, tout comme il aimerait que son frère agisse avec lui, en termes d'excuses, en termes de pardon, en termes de réponse au mal par le bien. Si jamais toi, tu agis en mal avec ton frère, tu aimerais bien que ton frère ne te fasse pas de mal, mais il réponde en bien. Toi aussi, si ton frère a agi en mal avec toi, tu le réponds par du bien, tu ne fais pas du mal à ton frère en islam. وَكُونُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنِ بِتُلِيَ فَصَبَرْ وَأُعْطِيَ فَشَكَرْ مَنِ بِتُلِيَ فَصَبَرْ وَأُعْطِيَ فَشَكَرْ وَظُلِمَ فَغَفَرْ وَظَلَمَ فَاسْتَغْفَرْ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. أولئك لهم الأمن وهم المهتدون وهم مهتدون. حديث رواه السيوطي صحيح الإسناد. Et le Cheikh a dit, appliquez la parole que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dite. Quelle est cette parole? Elle signifie en français, celui qui a été éprouvé mais qui patiente. C'est-à-dire, il ne se rebelle pas contre Dieu, il ne se met pas en colère, il ne va pas taper les gens, il ne va pas insulter les gens, il patiente face à l'épreuve que Dieu lui a accordée. Celui qui a été éprouvé et qui a patienté. Celui qui a reçu et qui a remercié. C'est-à-dire, il a remercié Allah pour les bienfaits qu'il lui a accordés. Celui qui a subi une injustice mais il a excusé. C'est-à-dire, on lui a fait du mal, mais pour l'agrément de Dieu, il n'en veut pas à la personne. Et celui qui a été injuste envers autrui, mais qui a fait le repentir. C'est-à-dire, il a fait preuve d'injustice, mais il a rectifié, il s'est corrigé et il s'est repenti de son injustice. Qu'est-ce que le prophète a promis à ces gens-là ? Ceux-là seront en paix et seront en sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ce sont eux les bien guidés, hadith rapporté par As-Suyuti et qui a une bonne chaîne de transmission. Wa qala radiyallahu anhu an Abi Hurayrah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man naffasa عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الشيخ حديث d'après Abu Huraira que Allah l'agré. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit ce qui signifie « Celui qui soulage un croyant d'un des tourments du bas-monde, celui qui soulage un croyant d'un des tourments du bas-monde, Allah le soulage d'un des tourments du jour du jugement. » Allah le soulage d'un des tourments du jour du jugement. « Wa man sarra musliman » yani, أدخل السرور إلى قلبه ومن سر مسلما سره الله في الدنيا والآخرة Et celui qui réjouit le cœur d'un croyant, Allah lui réjouit le cœur dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est pour cela, ne rate aucune occasion de réjouir le cœur de ton frère ou de ta sœur. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه Et Allah aide l'esclave tant que l'esclave aide son frère. C'est-à-dire, tant que tu aides les gens, Allah Ta'ala te facilite et t'accorde qui va t'aider. Hadith rawahu Muslim. Un hadith rapporté par Muslim. وقال رضي الله عنه من آداب الإسلام التي حض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الصغير وتوقير الكبير في السن. Et le cheikh que Dieu l'agré a dit, parmi les règles de comportement de l'islam, ces règles sur lesquelles le messager صلى الله عليه وسلم a fortement insisté, il y a le fait d'être miséricordieux envers les plus jeunes et de respecter les plus âgés. D'être miséricordieux envers les plus jeunes et de respecter les plus âgés. في الحديث الذي رواه أحمد أخرجه أحمد والطبراني ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه أي ليس على طريقتنا الكاملة أي لا يكون كاملا في دين الإسلام من لا يرحم الصغير ويوقر الكبير Ainsi dans le hadith qui a été rapporté par Ahmed et par At-Tabarani, le messager a dit ce qui signifie ce n'est pas quelqu'un qui est sur la voie complète de l'islam, c'est-à-dire il n'est pas un musulman qui a atteint un degré de foi complet. Celui qui ne fait pas miséricorde aux plus jeunes et qui ne respecte pas le plus âgé. C'est-à-dire ce n'est pas un musulman accompli, c'est-à-dire sa foi n'est pas complète. Celui qui ne fait pas miséricorde aux plus jeunes et qui ne respecte pas les plus âgés et qui ne reconnaît pas au savant sa juste valeur. Et qui ne reconnaît pas au savant sa juste valeur. الإسلام يأمر بتوقير الكبير تعظيمه حق. L'islam nous ordonne de respecter le plus âgé. Glorifier et respecter le plus âgé C'est une loi de l'islam. Al-akhu al-kabiru bimanzilati al-abi. Le grand frère, il a le statut du père. Al-akhu al-saghiru yahtarimu al-akhu al-kabira ka'annahu abuh. Le jeune frère respecte son grand frère comme si c'était son père. هذه التربية الإسلامية التي يحبها الله تعالى. Voici l'éducation islamique que Allah Ta'ala agré. أما الذي لا يحترم الكبير لا يكون من الكاملين. Quant à celui qui ne respecte pas le plus âgé, il ne sera pas au nombre de ceux qui ont un degré complet. قال الشيخ كل منكم يُوَقِّرُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ. Le Cheikh a dit que chacun d'entre vous respecte son père et sa mère. كَذَلِكَ أَخُوكُمُ الْأَكْبَرُ تُوَقِّرُونَهُ. Et votre grand frère également, vous le respectez. إِنْ سَلَكْتُمْ هَذَا الطَّرِيقَ تَكُونُ عَاقِبَتُكُمْ حَسَنَةً وَإِلَّا تَكُونُ وَخِيمَةً. Si vous suivez ce chemin, vous aurez une fin heureuse, sinon elle ne sera pas bonne. إِلْتَزِمُوا هَذَا الْأَمْرَ الشَّرْعِيَّ توقير الكبير ورحمة الصغير. Attachez-vous à cette règle de la loi de respecter le plus âgé et de faire miséricorde au plus jeune. أما الوالدان أمرهما أعظم. Mais les parents, il faut les respecter encore plus. Il y en a plus que n'importe quelle autre personne âgée. قال الشيخ في طرابلس رجل أهان أمه وضربها برجله ثم صارت رجله كالفيل ويخرج منها رائحة لا تقدر أن تجالسه. Il a dit à Tripoli de Liban, il y avait un homme qui a humilié sa mère et il a frappé sa mère avec son pied. Son pied a gonflé, il est devenu comme une patte d'éléphant et il en sortait une très mauvaise odeur. Tu ne peux pas rester avec lui. Allah ibtalahu fi dunya. Allah l'a éprouvé dans le bas monde. قال الشيخ أنا ما أطقت رائحته. Le Cheikh a dit, moi je n'ai pas pu supporter son odeur, l'odeur de son pied dans l'endroit où on était. Puis quand après qu'il soit parti, les gens m'ont dit, qu'est-ce qui est arrivé. Le Cheikh a dit, respectez votre mère encore plus et respectez votre père. لا تكلموا أمكم إلا بكلام محفوظ. Ne parlez, n'adressez la parole à votre mère qu'à voix basse, respectueusement. كلموهما بكلام لطيف وإلا تخسرون. Quand vous parlez à vos parents, parlez-leur avec des paroles douces, respectueuses, sinon vous allez perdre. وقال رضي الله عنه الذي يتحمل أذى الناس ويكف أذاه عنهم مثله كمثل المتنفل بطاعة الله بلا فتور بلا تعب. Et il a dit que Allah l'agré, celui qui supporte la nuisance des gens et qui cesse sa nuisance aux gens, son exemple, il devient comme celui qui fait des actes d'adoration surérogatoires sans se lasser. الذي يدافع عن حقوق المسلمين عند الله له مقام عال. Celui qui défend les intérêts des musulmans, il aura un très haut degré selon le jugement de Dieu. من آداب الإسلام التي حض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة الصغير وتوقير الكبير في السن. Donc parmi les règles de comportement de l'islam sur lesquelles le messager صلى الله عليه وسلم a fortement insisté, il y a la miséricorde envers le plus jeune et le respect du plus âgé, c'est-à-dire celui qui est plus âgé que nous. الرسول أخبر بأن الذي لا يفعل هذا لا يكون كاملا. Le messager nous a appris que celui qui n'agit pas de cette manière, il ne sera pas accompli. بين هذا بقوله ليس منا من لا يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا معناه لا يكون كاملا. Il nous l'a indiqué par sa parole, qui signifie ne fait pas partie des musulmans accomplis. Celui qui ne fait pas miséricorde aux plus jeunes et qui ne respecte pas les plus âgés. ليس من الكاملين في ديننا من لم يكن على هذه الصفة وهي رحمة الصغير وتوقير الكبير أي احترام الكبير. C'est-à-dire celui qui n'a pas ce comportement, à savoir de faire miséricorde envers le plus jeune de respecter celui qui est plus âgé, celui-là, il n'a pas atteint un degré de foi complète. احترام الكبير مطلوب في المجلس وفي المخاطبة. Qu'est-ce que ça veut dire, respecter le plus âgé? Le Cheikh a dit, respecter le plus âgé, c'est quelque chose de requis. Aussi bien dans une assemblée, la manière de se tenir dans l'assemblée de sorte à indiquer le respect du plus âgé, et dans la manière d'adresser la parole. C'est aussi demander de respecter le plus âgé dans la parole. مثلا في المجلس كيف يكون؟ لو كان هو جالس والكبير واقف لا يقف ويجعل الكبير يجلس محله. Si par exemple lui il est assis et quelqu'un de plus âgé qui est debout, non, il laisse le plus âgé s'asseoir et lui il se lève. Ou bien il y a deux places dans l'assemblée, une qui est plus confortable que l'autre. Lui il est dans la place qui est confortable. Si le plus âgé il est dans une place qui n'est pas confortable, il se lève et donne sa place qui est confortable à celui qui est plus âgé que lui. D'accord? C'est ça les manières, c'est ça le fait de respecter le plus âgé dans l'assemblée. Et dans la manière de parler, quand il s'adresse à lui, il s'adresse de manière qui indique qu'il le respecte, pas d'une manière qui indique qu'il ne le respecte pas. قال الشيخ في هذا الزمن قل هذا في كثير من النواحي. Le Cheikh a dit ces traits de caractère, ces deux caractères sur lesquels le messager a insisté, sont devenus très rares à notre époque. أما عند البعض ما زال موجودا. Mais chez certains, on le retrouve encore. Mais dans, chez la plupart, ils sont devenus dans une grande insouciance. عند الكثير صاروا في إغفال شديد. ليس في الأطفال الصغار بل في البالغين لا يراعون توقير الكبير. Donc même chez les personnes qui sont adultes, ils ne prennent pas en compte le respect des plus âgés. On ne parle pas des enfants qui n'ont plus ça, mais même certains qui sont adultes, ils ne connaissent plus le fait de respecter le plus âgé. هذا الأمر مهم مطلوب فاعملوا به. Le Cheikh a dit, ceci est un sujet important, appliquez-le. حديث في حسن الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وشرف وكرم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا معناه أكمل المؤمنين درجة عند الله من كان خلقه حسنا. Ainsi le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie: le croyant qui a le plus haut degré, c'est celui qui a le meilleur comportement. Celui qui a le plus haut degré de foi, c'est celui qui a le meilleur comportement. C'est-à-dire que les croyants qui sont les plus complets, selon le jugement de Allah, ce sont ceux qui ont l'excellent comportement. Les croyants qui sont les plus complets, selon le jugement de Allah, ce sont ceux qui ont l'excellent comportement. Ma ma'na dhalika. كثير يعني هذا الذي يكون عنده حسن الخلق الذي يعمل المعروف مع الذي يعرف والذي لا يعرف والذي لا يؤذي يكف أذاه عن غيره ويصبر على أذى غيره يكون مع مساويا للذي عبادته قوية لو كان واحد يصوم الدهر ويقوم الليل أي يتهجد في الليل والناس نيام ويصوم كثيرا غير الفرض غير رمضان يتابع الصيام لا يفطر إلا قليلا من أيام السنة. Donc celui qui a fait preuve d'excellence de comportement, qui fait le bien autour de lui avec ceux qui sont reconnaissants et ceux qui ne sont pas reconnaissants, qui patiente face à la nuisance des autres et il arrête de nuire aux autres, celui-là, même s'il n'a pas fait beaucoup d'actes d'adoration en plus de l'obligatoire, il sera équivalent à l'autre qui poursuit des actes d'adoration et qui est fort dans les actes d'adoration. Quelqu'un qui jeûne tous les jours de l'année, sauf quelques jours, comme les jours de fête, et qui veille la plupart des nuits en prière surérogatoire. Il aura un degré équivalent à celui-là, celui qui fait preuve d'excellence de comportement. « Dhaka alladhi yatajannabu al-haram » ويصلي الفرائض ويكون عنده اجتهاد كبير في النوافل، وهذا الذي لا يقوم ولا يصلي إلا الفرض ولا يصوم إلا الفرض سواء، لكن بحسن خلقه. Donc par son excellence de comportement, il va atteindre un degré équivalent à l'autre qui fait plus, beaucoup de prières surérogatoires et beaucoup de jeûnes surérogatoires. فمطلوب أن يكون المسلم يعمل الحسنات مع الذي يعرف له والذي لا يعرف له. C'est donc requis de la part du musulman d'accomplir le bien avec celui qui est reconnaissant et avec celui qui n'est pas reconnaissant. لا يقول فلان لا يزورني لما أزوره. Il ne dit pas pourquoi un tel ne vient pas me rendre visite, il ne demande pas après moi. Alors moi aussi, je ne vais pas demander après lui, je ne vais pas lui rendre visite. لا يقول فلان لا يحسن إلي لما أحسن إلي. Il ne dit pas un tel ne fait pas de bien avec moi, pourquoi est-ce que moi je vais le faire de bien avec lui. لا يقول أنا أكرم فلانا إذا لقيته وهو لا يكرمني إن كان يحسن إليه ويزوره ولا يعامله بالمثل. هذا من حسن الخلق. Il ne dit pas aussi moi j'agis en bien uniquement avec celui qui agit en bien avec moi. S'il fait du bien avec moi, alors je fais du bien avec lui. Non. لكن الخلق بلا إيمان لا ينفع. Mais l'excellent comportement sans l'islam ne sera pas utile. كثير من الكفار عندهم بشاشة وإحسان للناس وصبر على الناس لكنهم كفار لا ينفعهم هذا في الآخرة شيئا. Il y a beaucoup de mécréants. Ils sont souriants. Ils agissent bien avec les gens. Ils patientent avec les gens, mais ce sont des mécréants. Cela ne leur sera d'aucune utilité dans l'au-delà. لكنهم في الدنيا يحبونهم الناس يحبونهم ويقبلون عليهم. Mais dans le bas monde, des gens les aiment, des gens vont vers eux. حسن الخلق مع الإيمان هذه درجة عالية. L'excellence de comportement avec l'islam, ceci est un haut degré. الذي هو عنده إحسان للناس يحسن للناس لكنه ليس على الإسلام هذا لا ينفعه. الله قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Ceux qui ne sont pas musulmans mais qui agissent bien avec les autres, ils ont un bon comportement, cela, ça ne leur sera pas utile dans l'au-delà. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit, un verset duquel nous comprenons, l'exemple des mécréants, leurs œuvres seront telles un tas de cendres exposées au vent un jour de tempête. Imaginez de la cendre, vous faites brûler du bois ou du papier, ça devient de la cendre. Quand le vent souffle, qu'est-ce qui va en rester? Rien du tout. Les non-musulmans, leurs œuvres sont ainsi. Au jour du jugement, ils n'auront rien du tout. لذلك على الإنسان أن يحافظ على دينه. C'est pour cela que le musulman doit conserver son islam. المسلم عليه أن يحافظ على دينه أن يعتقد أن الله هو خالق كل شيء وأن الله لا يشبه شيئا. Il garde dans son cœur la croyance que Allah est le créateur de toutes choses. Il est le créateur du bien et du mal. Il est le créateur de nos actes. Il est le créateur de nos intentions. Il est le créateur de toutes choses. Et Allah, il n'a absolument aucune ressemblance avec quoi que ce soit. قال ذو النون المصري مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. ذو النون المصري a dit, quoi que tu imagines en ton esprit, Allah n'est pas ainsi. فالله ليس جسما قاعدا على العرش. Allah n'est pas un corps qui est assis sur le trône. الله ليس شيئا كالهواء في كل مكان. Allah n'est pas quelque chose de diffus comme l'air partout. الله لا يحل في أجسام أو في قلوب الناس. Allah ne s'incarne pas dans les corps ou les cœurs des gens. إنما نقول الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان. Nous disons Allah existe sans endroit et il n'est pas sujet au temps. هذا هو اعتقاد المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. Ça c'est la croyance des musulmans depuis les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, jusqu'à nos jours. وهناك إمامان من إمامي من أئمة أهل السنة والجماعة جمعوا هذه العقيدة ووضعوا لها الأدلة العقلية والنقلية فنسبت هذه العقيدة إليهما لكنها عقيدة أهل السنة والجماعة ليست فقط هذين الإمامين. Il y a deux imams qui ont réuni cette croyance et qui ont mis les preuves rationnelles et les preuves textuelles sur la validité de cette croyance. De sorte qu'ils ont donné leur nom à cette croyance. Mais cette croyance n'est pas la seule croyance de ces deux imams. Elle est la croyance de la totalité des sunnites, de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. هذان الإمامان هما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتوريدي. Ces deux imams, ce sont أبو الحسن الأشعري et أبو منصور الماتوريدي. لكنهما ليسا فقط هما اللذان يعني يعتبران لا نقول إنهما أتيا بعقيدة جديدة إنما لخص عقيدة الصحابة والتابعين وجاءوا بالأدلة العقلية والنقلية على صحتها. Mais on ne dit pas qu'ils ont amené une nouvelle croyance. Ils ont simplement résumé la croyance des compagnons et de leurs successeurs et ils ont mis les preuves rationnelles et textuelles de la validité de cette croyance. لذلك أهل السنة والجماعة يقال عنهم أشاعرة ماتوريدية. C'est pour cela que أهل السنة والجماعة, les musulmans sunnites, on dit qu'ils sont des Ash'arites, des Maturidites, relativement en référence à ces deux imams. ثم لا ينبغي لواحد منا أن يتتبع عورات أخيه. Il ne convient pas que l'un d'entre nous se mette à chercher les défauts de son frère. Il convient plutôt de l'excuser si jamais il a mal agi avec lui. Et s'il agit en bien avec lui, il répond avec la bienfaisance. C'est ce qui est demandé dans la religion. والله تبارك وتعالى خلق الناس مختلفين. الله crée les gens différents. فالله تبارك وتعالى خلق الناس ليبتليهم أي ليظهر لهم من هو مطيع له ومن هو غير مطيع له. الله il a créé les gens pour manifester aux gens qui d'entre eux est obéissant et qui d'entre eux n'est pas obéissant. هو يعلم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج للابتلاء حتى يعرف لا يقال لكن جعل هذا الابتلاء علامة للناس حتى هم يرون من يصبر من يطيع ومن لا يطيع. الله n'a pas besoin de nous éprouver pour savoir qui d'entre nous patiente et qui obéit et qui ne nous obéit pas. الله il sait cela de toute éternité, علمه أزلي. Mais il nous éprouve pour que nous, de nos yeux, nous voyons qui obéit et qui n'obéit pas. C'est que Allah nous éprouve pour nous montrer à nous qui patiente et obéit à Dieu et qui ne patiente pas et désobéit à Dieu. وهو عالم في الأزل أن عددا منهم يصيرون مؤمنين مطيعين وأن عددا من البشر يكونون عاصين. Et Allah il sait de toute éternité, parce que sa science n'a pas de début et sa science ne change pas, il sait de toute éternité qui parmi les gens seront croyants, qui parmi les gens seront obéissants, et il sait qu'il y a un certain nombre des humains qui vont être désobéissants. هو عالم في الأزل لكن أراد أن يظهر في عالم الوجود. في عالم الوجود. Allah il sait cela de toute éternité, mais il a voulu de toute éternité que cela entre en existence, que entre en existence ceux qui sont obéissants et croyants et ceux qui sont mécréants. ثم جعل الله من عباده عبادا صالحين. Allah a fait que parmi ses esclaves, il y a des esclaves qui sont vertueux. من هؤلاء ولي في الحبشة متوفى من نحو 600 سنة اسمه نور حسين. هذا من أفراد الرجال. Parmi les saints, il y a un homme qui est mort et en Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. C'est un saint qui a un très haut degré. Il est mort il y a environ 600 années, 6 siècles. Il s'appelle Nour Hussein. Il s'appelle Nour Hussein. Min karamatihi, annahu marratan, kana fi makanin fil jabal. Laysa fihi ma. Ihtaja lil wudu. Watahtu fil wadi yujadu ma. Allah lui a donné des prodiges. Vous savez, les prodiges, ce sont des choses extraordinaires qui arrivent aux saints. Tout comme al-mu'jiza, le miracle, ce sont des choses extraordinaires qui arrivent aux prophètes. Les saints, les choses extraordinaires qu'ils ont, on ne les appelle pas miracles, on les appelle prodiges, karama. Pour les prophètes, on les appelle mu'jiza. Donc parmi les prodiges qu'Allah lui a accordés, c'est qu'un jour il était dans la montagne, il avait besoin d'eau pour faire son wudu. Et en bas dans la vallée, il y avait de l'eau. Allah Ta'ala ajra lahu al-ma' ila fawq ila al-jabal. Allah a fait que cette eau est comme un geyser qui pousse et qui est monté jusqu'en haut. Ila yawmina hadha al-ma'u 'ala hadha al-had yatlu'u min asfal ila fawq. Donc jusqu'à nos jours, cette eau est restée ainsi, c'est-à-dire c'est un jet d'eau qui du bas de la vallée pousse jusqu'en haut dans la montagne. كفار هجموا عليه ليقتلوه وهم على الخيل وحامل الرماح. Une fois, des mécréants ont voulu l'attaquer. Ils étaient sur des montures et ils avaient des lances. الله تعالى مسخهم حجارة. Allah les a transformés en pierre. إلى الآن موجودون هؤلاء أجسامهم الممسوخة. Jusqu'à nos jours, on les trouve. Ils sont une forme de gens avec leurs lances sur des chevaux. Ils voulaient l'attaquer. Allah les a transformés en pierre. Jusqu'à aujourd'hui, on les retrouve. يقال له نور حسين يأتي لموسم زيارته مئات الألوف من الناس. Chaque saison, les gens qui viennent de rendre visite à sa tombe, ils viennent des centaines de milliers de personnes. كثير من الناس الكفار هناك عند مقامه يأتون فيقولون يا نور حسين إن قضى الله حاجتنا سنزورك ونحمل هدية. Il y a même des mécréants qui vont visiter sa tombe et lui disent « Ô Nour Hussein, si Dieu nous donne ce que nous voulons, nous allons revenir auprès de ta tombe et nous ramènerons des cadeaux. » Pour les gens qui sont pauvres, qui sont là-bas. « Thumma Allah Ta'ala yaqdi lahum hajatahum fayatuna fi sanat al-qabilati wa yu'linuna islamahum. » Donc, ils reviennent l'année suivante et Allah leur accorde ce qu'ils ont demandé. Et il entre en islam. Regardez, yani le saint, il est une cause de bien même après sa mort. Environ, en moyenne, il y a 300 personnes qui entrent en islam chaque année, pas grâce à ce saint-là. Les tombes des saints, Allah a fait qu'il y a une baraka, une bénédiction auprès de ces tombes. Alladhi yadhhabu ilayhim yad'u Allah hunaka. Celui qui rend visite aux tombes des saints, il invoque Allah auprès de ces tombes. Allah yaqdi hajatihi wa yufarriju kurubahu. Allah lui réalise ce qu'il veut et il le délivre de son tourment. Hadha shay'un qadim, laysa fi hadha az-zaman faqat. Les musulmans font cela depuis des siècles, pas uniquement à notre époque, depuis les compagnons. أيام الإمام الشافعي وقبله. Depuis l'époque de l'imam الشافعي et bien avant l'imam الشافعي. بل بعض الصحابة الكبار. أبو أيوب جاء إلى قبر الرسول للتبرك. Même les grands compagnons, Abu Ayyub al-Ansari, vous savez, celui qui est enterré à Istanbul, Abu Ayyub, lui-même il est allé auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tabarruk, pour demander la baraka, pour rechercher la baraka, les bénédictions. Donc n'écoutez pas la parole des menteurs qui vous disent ce sont des idolâtres ceux qui visitent les tombes. On leur dit, si c'était des idolâtres, alors vous accusez toute la communauté de l'islam. On dit, c'est vous qui amenez une nouvelle religion. On leur dit, même les compagnons du prophète visitaient les tombes des morts. Et quand un musulman visite la tombe d'un saint, qu'est-ce qu'il recherche? Il recherche le bien de la part de Dieu, parce qu'il sait que ce saint peut être une cause. Allah Ta'ala fait que par sa cause à lui, on est exaucé. On obtient ce que nous voulons. Donc nous, ne passez pas à côté de ce remède. C'est une possibilité d'obtenir ce que vous voulez. Certains, ils ont un problème et ils ont une solution devant eux, mais ils ne l'utilisent pas. Une des solutions, c'est d'aller auprès des tombes des saints et d'invoquer Allah auprès de ces tombes. Par la baraka de ces saints, Allah Ta'ala t'accorde. Parce que ce sont des gens qui ont œuvré en bien et qui ont atteint un haut degré. Allah les agrée. Et par leur cause, Allah Ta'ala, s'il le veut, il nous accorde ce que nous voulons. Le musulman, sa croyance, ce n'est pas que le saint, il va pardonner les péchés ou il va créer quelque chose. Non, c'est Allah qui est le créateur, mais le saint peut être une cause. Tout comme quelqu'un, il va voir un médecin pour qu'il lui prescrive un médicament ou qu'il lui donne des conseils. Est-ce qu'il y a un musulman qui croit que c'est le médecin qui crée la guérison ou que c'est les médicaments qui créent la guérison? Aucun musulman n'a cette croyance. Mais alors pourquoi le musulman consulte un médecin et prend-il des médicaments? Parce que ce sont des causes. Nous utilisons les causes en espérant que Allah nous crée ce que nous espérons. Là aussi, quand on visite la tombe d'un saint, c'est une cause et nous espérons que Allah nous accorde ce que nous recherchons par la visite de la tombe du saint. Donc, si vous avez quelque chose, ne passez pas à côté de cette cause, qui est une cause de bien. Nous prenons un peu de la science obligatoire. قال الشيخ رحمه الله من معاصي البدن تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر. Le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a souiller la mosquée par quelque chose d'impur ou la salir même avec quelque chose de pur, c'est-à-dire mais de répugnant. الشرح أن من معاصي البدن تنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر فيحرم تنجيسه بالنجاسة وكذلك تقذيره بغير النجاسة كالبزاق والمخاطي لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. Explication. Parmi les péchés du corps, il y a le fait de souiller la mosquée et de la salir, même avec quelque chose de pur. Il est interdit de souiller la mosquée avec une najasa, une substance impure selon la loi de l'islam. Il est également interdit de salir la mosquée avec quelque chose qui n'est pas impur, comme un crachat ou des sécrétions nasales. Parce que protéger la mosquée de cela revient à glorifier les rites, les symboles de la religion. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ومن تعظيمها من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم المساجد تطيبها بالطيب فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة من زمان خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك من القربات إلى الله وقد تقدم ذلك. Dans sourate Al-Hajj, le verset 32, Allah nous apprend que celui qui glorifie les signes représentatifs de la religion, ceci est une preuve de crainte de Dieu et de glorification de la religion et de piété. Et parmi ce qui constitue une glorification des mosquées, il y a le fait de les parfumer avec de l'encens. C'était une habitude à Médine, et c'est encore le cas jusqu'à nos jours, de faire brûler de l'encens dans la mosquée du messager sallallahu alayhi wa sallam chaque vendredi, depuis l'époque du califat de notre maître Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Et ceci est un acte qui fait rapprocher de l'agrément de Dieu. قال المؤلف رحمه الله ومن معاصي البدن التهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, parmi les péchés du corps, il y a le fait de négliger l'accomplissement du pèlerinage, alors qu'on en est capable. jusqu'à la mort. الشرح أن من معاصي البدن تأخير أداء الحج بعد حصول الاستطاعة إلى أن يموت قبل أن يحج. Donc, explication, parmi les péchés du corps, il y a le fait de retarder l'accomplissement du pèlerinage après avoir rempli les conditions de capacité, le fait de retarder jusqu'à mourir sans l'accomplir. قال الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. جاء عن ابن عباس في قوله تعالى فأصدق أي أزكي وأكن من الصالحين أي أحج. Ainsi, dans Sourate Al-Munafiqun, le verset numéro 10, Allah Ta'ala blâme celui qui tarde pour le paiement de la zakat et l'accomplissement du pèlerinage, alors qu'il devait le faire et il est mort sans l'avoir fait. فوجوب الحج وان كان على التراخي عند الامام الشافعي واخرين من الائمه لكنه اذا تساهل المستطيع حتى مات قبل ان يحج فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْفِسْقِ. Donc l'obligation du pèlerinage, même si selon l'imam al-Shafi'i, est ce qu'on appelle « al-tarahi ». Qu'est-ce que ça veut dire « al-tarahi » C'est-à-dire quand vient la période du pèlerinage, comme maintenant on est dans les mois du pèlerinage, et il a la capacité. Il peut, selon l'école de l'imam al-Shafi'i, dire « je vais l'accomplir l'année prochaine ». C'est-à-dire il retarde d'une année. Mais s'il le fait tout le temps jusqu'à mourir sans l'avoir fait, alors qu'il avait la capacité, alors il commet un grand péché. Il est mort chargé d'un grand péché. D'accord ? Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.